Ami humain, bonjour. Deleuze. Sur la musique Vincennes, le 8 mars 1977. Première partie. On avait parlé la dernière fois d'un livre de Dominique Fernandez. Il dit des choses très importantes pour nous, sur la musique. Je fais donc un recul en arrière. Il est très bizarre, car d'habitude il fait des choses orientées sur des critiques littéraires à base de psychanalyse, et puis en même temps il aime la musique, et voilà que ça le tire de ses soucis analytiques. Il lance une formule qui parcourt tout ce livre intitulé « La Rose des Tudors », Dominique Fernandez, « La Rose des Tudors », Julliard, 1976. Tout le thème du livre c'est ceci, la musique meurt vers 1830. Elle meurt très particulièrement, et tragiquement, comme toutes les bonnes choses, elle meurt avec Bellini et Rossini. Elle meurt tragiquement parce que Bellini mourra dans des circonstances très mal connues, ou bien d'une maladie inconnue à l'époque, ou bien d'une sombre histoire, et Rossini, c'est l'arrêt brusque. Ce musicien de génie, en plein succès, décide d'arrêter. Il avait toujours eu deux amours, la musique et la cuisine, il ne fait plus que de la cuisine. C'était un grand cuisinier, et il tourne fou. Je connais beaucoup de gens qui arrêtent les choses à tel moment, c'est un type d'énoncé assez courant, pour moi, ceci se termine à telle époque. La philosophie n'a pas cessé de mourir, elle meurt avec Descartes, elle meurt avec Kant, elle meurt avec Hegel, chacun a son choix du moment qu'elle est morte, ça va. Et puis je connais des gens qui arrêtent la musique au chant grégorien. Très bien. Fernandez lance un énoncé du type « La musique s'arrête à Bellini et Rossini ». Qu'est-ce qui rend possible un tel énoncé? Cela ne peut vouloir dire qu'une chose, quelque chose, même si vous ne le savez plus, je ne tente pas de lui donner raison car je pense qu'il n'a pas raison, quelque chose qui appartenait essentiellement à la musique n'existera plus après Rossini et Bellini, les deux derniers musiciens. Qui c'est qui entraîne, même indirectement, la disparition de Rossini et de Bellini? Quelle est la nouvelle musique autour de 1830? C'est l'arrivée de Verdi et de Wagner. Ça veut dire que Wagner et Verdi ont rendu la musique impossible, Fernandez va jusqu'à dire que ce sont des fascistes, ce n'est pas la première fois qu'on le dit pour Wagner. Qu'est-ce qu'ils ont supprimé, d'après Fernandez, qui était tellement essentiel à la musique? Il nous dit à peu près ceci, il dit qu'il y a eu quelque chose d'inséparable de la musique. Je le coupe pour préciser quelque chose, on peut considérer comme corrélatif dans une activité quelconque, dans une production quelconque, comme deux plans ou deux dimensions du plan, une de ces dimensions nous pouvons l'appeler expression, et l'autre dimension nous pouvons l'appeler contenu. Pourquoi ces termes expression et contenu ? Parce que expression, rien que comme mot, ça a l'avantage de ne pas être confondu avec forme, et contenu ça a l'avantage de ne pas être confondu avec sujet, thème ou objet. Pourquoi est-ce que expression ne va pas être confondu avec forme ? Parce qu'il y a une forme d'expression, mais il y a aussi une forme de contenu. Le contenu n'est pas informel. Or qu'est-ce que c'est ? Je pourrais ajouter à tout ce qu'on a dit précédemment que ce qu'on a appelé le plan de consistance comporte non pas deux blocs, mais une dimension sous laquelle il est plan d'expression et une dimension sous laquelle il est plan de contenu. Si je considère le plan de consistance sonore nommé musique, je peux me demander quelle est l'expression et quel est le contenu proprement musical une fois dit que le contenu, ce n'est pas ce dont parle la musique, ou ce que chante une voix. Or, Fernandez nous dit que, à son avis, la musique a toujours été traversée par un contenu qui lui était très intime, et qu'il était le débordement ou le dépassement de la différence des sexes. Alors, comme il n'oublie pas sa formation analytique, bien qu'il ne soit pas analyste, il dit que la musique, c'est toujours et essentiellement une restauration de l'androgyne. Prêter ce contenu-là à la musique implique que je puisse montrer que ce contenu-là est bien musical, et essentiellement musical, en vertu de la forme d'expression nommée musique. Or, il est bien connu que la musique est d'abord vocale. On sait à quel point les instruments ont fait longtemps l'objet d'une espèce de surveillance, notamment dans la codification musicale et dans l'action de l'Église sur la codification musicale. L'instrument est très longtemps tenu en dehors, maintenu, il ne faut pas qu'il déborde la voix. Quand est-ce qu'une voix devient musicale? Je dirais, du point de vue de l'expression, que la voix musicale c'est essentiellement une voix déterritorialisée. Ça veut dire quoi? Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas encore musique et qui, pourtant, sont très proches de la musique. Il y a des types de chants qui ne sont pas encore musique. Par exemple, Guattari tient énormément à l'importance d'une notion qu'il faudrait développer, celle de ritournelle. La ritournelle peut peut-être être quelque chose de fondamental dans l'acte de naissance de la musique. La petite ritournelle. Elle sera reprise, ensuite, dans la musique. Le chant non encore musical, Téhéralala. L'enfant qui a peur peut être que le lieu d'origine de la petite ritournelle, c'est ce qu'on appelait, l'année dernière, le trou noir. L'enfant dans un trou noir, Téhéralala, pour se rassurer. Je dis que la voix chantonnante est une voix territorialisée, elle marque du territoire. C'est pour ça que si la musique, ensuite, reprend la ritournelle, un des exemples les plus typiques de la reprise de la ritournelle, c'est Mozart. Berg utilise très souvent ce procédé. Qu'est-ce que c'est le thème le plus profondément musical, et pourquoi c'est le plus profondément musical? Un enfant meurt, et pas d'une mort tragique, la mort heureuse. Concerto à la mémoire d'un ange. L'enfant et la mort, c'est partout. Pourquoi la musique est-elle pénétrée par, à la fois, cette prolifération et cette abolition, cette ligne qui est à la fois une ligne de prolifération et d'abolition sonore? Si la ritournelle c'est la voix qui chante déjà, la voix territorialisée, ne serait-ce que dans un trou noir, la musique, elle, commence avec la déterritorialisation de la voix. La voix est machinée. La notation musicale entre dans un agencement machinique, elle forme elle-même un agencement, elle forme en elle-même un agencement, tandis que dans la ritournelle, la voix est encore territorialisée parce qu'elle s'agence avec autre chose. Mais lorsque la voix à l'état pur est extraite et produit un agencement proprement vocal, elle surgit comme voix sonore déterritorialisée. Ça implique quoi, cette voix déterritorialisée? J'essaie de dire avec mes mots à moi, ce que dit Fernandez quand il dit que le problème de la voix en musique, c'est de dépasser la différence des sexes. Je dis que les sexes, avec leur sonorité vocale particulière, c'est une territorialisation de la voix, oh, ça c'est une voix de femme, ah, ça c'est une voix d'homme. Déterritorialisation de la voix, il y a un moment essentiel que l'on voit bien avec la notation musicale. À l'origine européenne, la notation musicale porte essentiellement sur la voix. Quelqu'un de très important, enfin une des choses les plus importantes là-dedans, c'est le double rôle, et des papes pour les pays latins, par exemple Grégoire, et Henri VIII, et les Tudors, dans la notation musicale. C'est Henri IV qui réclame que, à chaque syllabe corresponde une note. Ce n'est pas simplement, comme on dit, pour que le texte chanté soit bien compris, c'est un procédé de déterritorialisation de la voix qui est formidable, c'est un procédé clé. Si, à chaque syllabe, vous faites correspondre une notation musicale, vous avez un procédé de déterritorialisation de la voix. Mais vous sentez qu'on n'arrive pas encore à faire le lien avec cette histoire où je dis, du point de vue de l'expression, et en tant que forme d'expression, je définis d'abord la musique comme musique vocale, et la musique vocale comme déterritorialisation de la voix, et en même temps, du point de vue du contenu comme forme de contenu, du point de vue de la forme de contenu, je définis la musique, du moins la musique vocale, à la manière de Fernandez, non pas comme le retour à l'androgyne primitif, mais comme le dépassement de la différence des sexes. Pourquoi est-ce que la voix déterritorialisée, du point de vue de l'expression, c'est la même chose que le dépassement de la différence des sexes du point de vue du contenu? Cette voix déterritorialisée, du point de vue de l'expression, donc agencée, ayant trouvé un agencement spécifique, agencée sur elle-même, machinée sur elle-même, va être la voix de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien quoi? C'est vrai que dans toute la musique, jusqu'à un certain moment, comme le dit Fernandez, la musique est traversée par une espèce de subversion des sexes. C'est évident avec Monteverdi. Et que ce soit la musique latine de type italien-espagnol, ou la musique anglaise, et là, on a comme les deux pôles occidentaux. Quelles sont les voix déterminantes de la musique vocale? Les voix déterminantes de la musique vocale, c'est le soprano, l'alto et ce que les Anglais appellent contre-ténor, ou haute-contre. Le ténor, c'est celui qui tient la ligne, et puis il y a les lignes supérieures alto, soprano. Or, ces voix sont des voix d'enfants, ou ces voix sont faites pour des enfants. Parmi les pages les plus gaies de Fernandez, il y a son indignation à savoir que les femmes soient devenues soprano. Là, il est furieux, c'est terrible ça. Ça n'a pu se faire que quand la musique était morte, le soprano non pas naturel, mais le soprano de l'agencement musical, c'est l'enfant. Les trois voix très caractéristiques, la voix de l'enfant, dans la musique italienne, ça c'est commun aux deux pôles, dans la musique italienne, il y a le castra, c'est-à-dire le chanteur castré, et dans la musique anglaise qui, très bizarrement, n'avait pas de castra, le castra, c'est quelque chose de latin, il y avait le contre-ténor. Et le castra et le contre-ténor, par rapport au soprano enfantin, c'est comme deux solutions différentes pour un même problème. Le contre-ténor anglais, il y en a encore, alors qu'il n'y a plus de castra, et là, Fernandez dit que c'est la civilisation, la faute du capitalisme, tellement il n'est pas content. Avec Verdi et avec Wagner, note de l'auteur, sur Wagner, Deleuze se réfère implicitement à Boulez, le capitalisme s'approprie la musique. Avec le contre-ténor anglais, c'est quelle voix déterritorialisée? Il s'agit de chanter au-dessus de sa voix. La voix du contre-ténor est souvent appelée une voix de tête. Il s'agit de chanter au-delà de sa voix, et c'est vraiment une opération de déterritorialisation, et Deleuze dit que c'est la seule manière de chanter à haute voix. C'est une voix qui ne passe pas par les poumons. C'est un beau cas de déterritorialisation de la voix, parce que la territorialité de la voix, c'est le sexe, voix d'homme, voix de femme, mais je peux aussi bien dire que c'est l'endroit où tu parles, la petite ritournelle, je peux dire aussi que c'est de là où elle est émise, le système diaphragme-poumon. Or la voix du contre-ténor se définit par ceci comme si elle partait de la tête, Deleuze insiste sur le fait qu'il faut que ça passe par les sinus, c'est une voix des sinus, l'histoire de Deleuze est très belle, à 16 ans, comme dans toutes les maîtrises, on lui dit de se calmer, de laisser reposer sa voix pendant 2 ans, et il en ressort pur contre-ténor. C'est curieux, pour ceux qui ont entendu Deleuze, l'impression que ça donne, à la fois d'être artificiel et travaillé, et d'être en même temps une espèce de matière brute musicale, d'être le plus artificiel et le plus naturel à l'issue de cet artifice. Donc la voix part de la tête, traverse les sinus, sans jamais prendre appui sur le diaphragme. C'est comme ça que vous reconnaissez un contre-ténor. En gros, vous le reconnaissez, bien qu'il n'aime pas cette expression, à cette voix de tête. La voix du castrat est très différente, c'est une voix elle aussi complètement déterritorialisée, c'est une voix de la base des poumons, et même à la limite, du ventre. Fernandez les définit très bien. Purcell, le grand musicien d'enfant, a aussi une histoire splendide. Étant enfant, il a une voix de soprano, puis après, il devient à la fois avec possibilité de basse et de contre-ténor. C'était une merveille quand Purcell chantait. Deux fois, dans son livre, Fernandez essaie de préciser la différence entre la solution castrat et la solution contre-ténor. La solution anglaise, ce serait le lieu d'analyser la différence fondamentale qui oppose l'art de chanter en Angleterre à l'art de chanter en Espagne. Les hautes contres ont la voix située dans la tête, d'où cette impression de pureté céleste presque irréelle, non pas dépourvue de sensualité mais d'une sensualité qui brûle à mesure les convoitises qu'elle allume. Les sopranos et altos ont la voix située beaucoup plus bas dans la poitrine, on croirait presque dans le ventre, près du sexe en tout cas. On suppose que les castrats obtenaient un effet aussi irrésistible sur leurs auditeurs parce que leur voix n'était pas seulement une des plus belles, mais en même temps chargée d'un intense pouvoir érotique. Toute la sève qui n'avait pas d'autre issue dans leur corps imprégnait l'air qu'ils chassaient de leur bouche, avec pour résultat de transformer cette chose, d'habitude aérienne et impalpable, en une matière pulpeuse, moelleuse entre toutes. Alors que les contre-ténors anglais ignorent qu'ils ont un sexe, ou qu'ils pourraient en avoir un, les castrats italiens font de leur chant un acte charnel et complet d'expulsion, symbolique de l'acte sexuel dont leur voix trahit la douloureuse et voluptueuse impatience. Les sons qui sortent de leur gorge possèdent une consistance ouïouïe, ces garçons font l'amour au moyen de leur voix. Il faut en retenir que ces deux procédés de déterritorialisation de la voix de tête du contre-ténor, tête sinus-bouche, sans s'appuyer sur le diaphragme, et la voix de la base des poumons et du ventre du castrat, à quoi ça nous sert ? Là, on voit bien en quoi l'agencement musical de la voix, le processus musical de déterritorialisation de la voix ne fait qu'un, en effet, avec une espèce de dépassement de la différence des sexes. Dans notre langage, nous dirions que la musique est inséparable d'un devenir femme et d'un devenir enfant. Le devenir femme fondamental dans la musique, qui n'est pas du tout. Pourquoi la musique s'occupe-t-elle tellement de l'enfant ? Ma réponse serait que bien au-delà de ces thèmes, de ces motifs, de ces sujets, de ces référents, la musique est pénétrée dans son contenu et ce qui définit le contenu proprement musical, c'est un devenir femme, un devenir enfant, un devenir moléculaire, etc., etc. Ce devenir enfant, c'est quoi ? Il ne s'agit pas pour la musique de chanter ou de faire chanter la voix comme un enfant chante, au besoin l'enfant est complètement artificialisé. Il faudrait presque distinguer l'enfant molaire qui chante, non musicalement, l'enfant de la petite ritournelle, et l'enfant moléculaire, agencé par la musique, et même quand c'est un enfant qui chante dans une maîtrise anglaise, il faut une opération d'artifice musical, par laquelle l'enfant molaire cesse d'être un enfant molaire pour devenir moléculaire, enfant moléculaire, donc, l'enfant a un devenir musicalement enfant. Ce qui signifie que l'enfant que la musique devient, ou que la musique fait devenir, est lui-même un enfant déterritorialisé comme contenu, de même que la voix comme expression est une voix déterritorialisée. Il ne s'agit pas d'imiter l'enfant qui chante, il s'agit de produire un enfant sonore, c'est-à-dire déterritorialiser l'enfant en même temps que l'on déterritorialise la voix. Par là se fait la jonction entre la forme de contenu musical devenir femme, devenir enfant, devenir moléculaire, et la forme d'expression musicale déterritorialise la voix, entre autres par la notion musicale, par le jeu de la mélodie et de l'harmonie, par le jeu de la polyphonie, et à la limite, par l'accompagnement instrumental. Mais à ce niveau, la musique reste essentiellement vocale, puisque comme forme d'expression, elle se définit par la déterritorialisation de la voix, par rapport à laquelle les instruments ne jouent qu'un rôle d'aide, comme d'accompagnement, de concomitant, et parallèlement, se fait se devenir enfant, se devenir femme, et comme on le disait la dernière fois, c'est l'enfant lui-même qui a à devenir enfant. Il ne suffit pas d'être enfant pour devenir enfant, il faut passer par toute la maîtrise du collège ou de la cathédrale anglaise, ou bien pis encore, pour devenir enfant, il faut passer par l'opération italienne du castrat. Bellini et Rossini, c'est les derniers à agencer musicalement la voix sous la forme de ces devenirs-là. Le devenir enfant et le devenir femme. Au début du 19e siècle, ce qui disparaît, c'est la coutume des castrats. D'une part, c'est exprès que je ne dis pas la castration. Si je disais la castration, toute la psychanalyse reviendrait à toute allure. Le castrat, c'est un agencement machinique qui ne manque de rien. Le castrat est dans un devenir femme qu'aucune femme n'a, il est dans un devenir enfant qu'aucun enfant n'a. Par là même, il est dans le processus de la déterritorialisation. Devenir enfant, c'est nécessairement, non pas devenir un enfant tel qu'est l'enfant, mais devenir un enfant en tant qu'enfant déterritorialisé, et ça se fait par un moyen d'expression qui est nécessairement lui-même une expression déterritorialisée, la déterritorialisation de la voix. Fernandez fait un éloge mesuré, mais très remarquable de Bowie. Il dit que c'est une voix de fausset. Mais ce n'est pas par hasard que la pop music ça a été les Anglais. Les Beatles, il devrait y avoir des voix qui ne sont pas loin du tout, ce n'est pas un contre-ténor, mais il y en a un qui devait avoir un registre qui approchait le contre-ténor. C'est très curieux que les Français aient refusé les castrats. Pour les Anglais, on comprend, c'est des puritains. Lorsque Gluck fait jouer je ne sais plus quel opéra, en France, il doit réécrire entièrement le rôle principal pour le faire chanter par un ténor. C'est dramatique, ça. Nous, on a toujours été du côté de la ritournelle. Donc, Fernandez fait cette espèce de compliment à la pop musique. Mais vous voyez bien où il veut en venir quand il dit que la musique se termine avec Bellini et avec Rossini, ce qui revient à dire, encore une fois, mort à Wagner, mort à Verdi. Là, ça devient moins bon. Tout ce que je voudrais retenir du livre de Fernandez, c'est, oui, la musique est inséparable d'un devenir enfant, d'un devenir femme, d'un devenir moléculaire, c'est même ça sa forme de contenu, en même temps que sa forme d'expression c'est la déterritorialisation de la voix, et la déterritorialisation de la voix passe par les deux extrêmes de la voix déterritorialisée du castrat et de la voix déterritorialisée du contre-ténor. Là, ça forme un petit bloc. Il s'agit de machiner la voix, machine sonore vocale, qui implique une déterritorialisation de la voix, du point de vue de l'expression, ayant pour corrélat, du point de vue du contenu, le devenir enfant et le devenir femme, etc. En effet, à première vue, avec Verdi et Wagner, on revient à une espèce de grande reterritorialisation molaire dans notre langage, à savoir, quel que soit le caractère sublime de leur voix, le chanteur wagnérien sera homme avec une voix d'homme, la chanteuse wagnérienne sera femme avec une voix de femme. C'est le retour à la différence des sexes. Ils mettent à mort le devenir de la musique. Vous voyez pourquoi Fernandez met ça sur le dos du capitalisme, il dit que le capitalisme ne peut pas supporter la différence des sexes, il y a la division du travail, en d'autres termes la voix au lieu d'être machinée dans l'agencement musical, déterritorialisation de la voix à devenir enfant, elle repasse par cette espèce de moulinette, la machine binaire, la voix de la femme qui répond à la voix de l'homme, et la voix de l'homme qui répond à la voix de la femme. Tristan et Iseult. Thank you. dans le vieil opéra, vous savez que des personnages comme César étaient chantés par des castrats. Le castrat n'était pas du tout utilisé pour des minauderies ou pour des exercices de style, le Tout-Puissant, le César, l'Alexandre est censé dépasser la différence des sexes au point qu'il y a un devenir femme du guerrier. Achille était chanté par un castrat. Il y a en effet un devenir femme d'Achille. On devrait s'interdire de parler de ce qu'on n'aime pas. Il devrait y avoir une interdiction absolue. On écrit toujours pour, en rapport à ce qu'on aime. Une littérature qui n'est pas une littérature d'amour, c'est vraiment de la merde. Fernandez est très discret, il parle très peu de Verdi et de Wagner, mais je crois qu'il se passe autre chose, la musique devient symphonique. Au besoin, elle ne cesse pas d'être vocale, mais c'est vrai qu'elle devient symphonique. Une des pages mauvaises de Fernandez, c'est quand il dit que c'est le développement instrumental qui force les voix à redevenir voix d'homme et voix de femme, à repasser par cette espèce de machine binaire. En effet, dans un ensemble symphonique, le contre-ténor est foutu. Il a l'air de dire que la musique instrumentale ou symphonique fait trop de bruit pour que ses devenirs très subtils soient encore perceptibles. On peut imaginer que c'est tout à fait autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette espèce de destitution de la voix? Qu'est-ce qui se passe lorsque la machine musicale cesse d'être primordialement vocale, l'instrument n'étant plus qu'un accompagnement de la voix, pour devenir instrumental et symphonique? Je crois que c'est vraiment la machine musicale, ou l'agencement, qui change. Il ne s'agit plus d'agencer la voix, il s'agit de traiter la voix. Il me semble que c'est une très grande révolution musicale, il s'agit de traiter la voix comme un élément parmi d'autres, ayant sa spécificité, un élément parmi d'autres dans la machine instrumentale. Ce n'est plus la flûte ou le violon qui sont là pour rendre possible ou pour accompagner le processus de déterritorialisation de la voix, c'est la voix elle-même qui devient un instrument, ni plus ni moins qu'un violon. La voix est mise sur le même pied que l'instrument, si bien qu'elle n'a plus le secret de l'agencement musical. C'est donc tout l'agencement qui bascule. Je dirais que c'est une véritable mutation. Il ne s'agit plus de trouver ou d'inventer une machine de la voix, il s'agit d'élever la voix à l'état d'élément d'une machine symphonique. C'est complètement différent. Ce n'est pas étonnant que Fernandez ait raison, d'un point de vue très limité, avec Verdi et Wagner, se fait une reterritorialisation de la voix et ça durera avec Berg, Lulu. Mais c'est bien forcé, parce que c'est plus en tant que la voix est élément musical. Si bien que, si on la considère en tant que voix, elle retombe à son état de détermination pseudo-naturelle, voix d'homme ou voix de femme, elle retombe dans la machine binaire puisque ce n'est plus en tant que voix qu'elle est élément de la machine musicale. Dès lors, en tant que voix, elle retombe effectivement dans la différence des sexes, mais ce n'est plus par là qu'elle est musicale. Le gain formidable de cette musique instrumentale symphonique, c'est que, au lieu de procéder par une simple machination sonore de la voix, elle procède à une machination sonore généralisée qui ne traite plus la voix que comme un instrument à l'égal des autres. Si bien, encore une fois, que lorsque vous considérez ces voix en tant que voix, elles retombent dans la détermination naturelle ou territoriale homme-femme, mais en même temps, ce n'est pas par là qu'elles sont musicales, elles sont musicales dans un tout autre point de vue, dans leur rapport avec l'instrument dont elles sont légales, dans l'ensemble de la machination, où, à la limite, il n'y aura plus aucune différence de nature entre le son de la flûte, le timbre de la voix. On sera passé à un nouveau type d'agencement. Je dirais presque que la forme d'expression musicale a changé, au lieu de machination de la voix, vous avez machination symphonique, machination instrumentale dont la voix n'est qu'un élément égal aux autres. Mais du coup la forme de contenu change aussi, et vous allez avoir un changement dans les devenirs. La forme de contenu reste le devenir, mais vous allez avoir comme une impossibilité de rattraper à l'état pur ce qui faisait l'essentiel de la musique vocale, à savoir le devenir femme et le devenir enfant, vous allez avoir une ouverture sur d'autres devenirs. Les devenirs de la musique précédente s'arrêtaient au devenir femme et au devenir enfant, c'était principalement des devenirs qui s'arrêtaient presque à une frontière qui était le devenir animal, et avant tout, le devenir oiseau. Le thème du devenir apparaît constamment, soit produire musicalement un oiseau déterritorialisé. La déterritorialisation de l'oiseau, à la lettre, c'est lorsqu'il est arraché à son milieu, la musique ne reproduit pas le chant de l'oiseau, elle produit un chant d'oiseau déterritorialisé, comme l'oiseau de Mozart dont je prends tout le temps l'exemple. Or, la nouvelle musique instrumentale ou symphonique, peut-être qu'elle n'a plus la maîtrise des devenirs enfants et des devenirs femmes. Ce n'est plus comme avant. Mais une ouverture sur d'autres devenirs, comme s'il y avait une espèce de déchaînement des devenirs animaux proprement sonores, proprement musicaux. Des devenirs puissance élémentaire, des devenirs élémentaires. Wagner. Le thème même de la mélodie continue qui est comme la forme d'expression à laquelle correspond comme forme de contenu une espèce de déchaînement des éléments, des espèces de devenir sonore élémentaire. Enfin, une ouverture sur quelque chose qui, à mon avis, n'existe pas du tout dans la musique vocale, mais qui peut être repris dans cette nouvelle musique par la voix, dans le nouvel agencement, des devenirs moléculaires inouïs. Je pense aux chanteuses dans Schoenberg. C'est déjà ça avec Debussy. Et dans toute la musique moderne. Berio. Dans Visage, on voit très bien qu'on ne traite du visage qu'en le défaisant. Il y a tout le domaine de la musique électronique où vous avez cette ouverture vers les devenirs moléculaires qui ne sont permis que par la révolution Verdi, Wagner. Donc, je dirais que la forme musicale d'expression change et que, du coup, la forme de contenu s'ouvre sur des devenirs d'un autre type, d'un autre genre. Au niveau d'une définition très générale de la machine musicale ou du plan de consistance sonore, qu'est-ce que ce serait le plan de consistance sonore? Je dirais que, du point de vue de l'expression, vous avez toujours une forme d'expression qui consiste en une machination, machination portant soit directement sur la voix, soit machination symphonique intégrant la voix à l'instrument, et du côté du contenu, sur ce même plan de consistance sonore, vous avez toujours des devenirs proprement musicaux qui ne consistent jamais en imitation, en reproduction, et qui sont tous les devenirs qu'on a vus avec leur changement, et vous avez le thème comme de la forme et de la forme de contenu, les deux sont pris dans un mouvement de déterritorialisation. Je me demande si pour le cinéma il ne s'agit pas de la même chose. Quelqu'un avait travaillé là-dessus l'année dernière. Sur le cinéma parlant, là aussi c'est un problème de voix. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'au début du parlant la voix n'est pas tellement individualisée? Elle ne sert pas tellement de facteur d'individuation. Exemple, la comédie américaine. C'est comme si les caractères individuels de la voix étaient dépassés. Le parlant n'a pris la voix que pour dépasser les caractères individuels de la voix. Finalement, lorsque le parlant naît, se forme une individualisation par le visage ou par le type, et la voix en tant que facteur déterminant du cinéma dit parlant dépasse les déterminations particulières ou même spécifiques. Ce sera assez tardivement que l'on reconnaîtra la star à la voix, Dietrich et Greta Garbo. Or, dans la comédie américaine, il n'y a pas de voix et pourtant il y a un usage du parlant qui est quelque chose de fantastique, mais la voix n'est pas distribuée d'après des machines binaires ou d'après des machines d'individuation. qu'est-ce qu'il y a de bien dans la voix de Bogart, c'est que sa voix n'est pas du tout individuée, c'est complètement une voix linéaire. Ce qui a fait le succès de la voix de Bogart, c'est une voix blanche, c'est le contre-ténor du cinéma. C'est une voix blanche qui est très bien rythmée, mais qui, à la lettre, ne passe pas par les poumons. C'est une voix linéaire qui sort par la bouche. Quand la musique est vocale, elle ne se sert pas de la voix comme voix individuée ou comme voix sexuée, homme-femme, elle se sert de la voix comme forme d'expression d'un devenir, devenir femme, devenir enfant. De la même manière, le cinéma parlant a commencé à se servir de la voix comme forme d'expression d'un devenir. Il faudrait aussi définir le plan fixe, de même qu'il y a un plan de composition sonore qui ne fait qu'un avec la machine musicale et tous les devenirs de cette machine et les devenirs de la machine musicale, c'est ce qui parcourt le plan de consistance sonore, et bien de même que la machine musicale doit être dit un plan sonore fixe, mais fixe ça veut dire aussi bien la vitesse absolue que la lenteur ou le repos absolu, ça veut dire l'absolu du mouvement ou du repos, et les devenirs qui s'inscrivent sur ce plan, c'est du mouvement relatif, les vitesses et les lenteurs relatives, et bien de la même manière le plan fixe cinématographique peut être dit aussi bien mouvement absolu que repos absolu, c'est sur lui que s'inscrivent et les formes d'expression cinématographique et le rôle de la voix dans le cinéma parlant, et les devenirs correspondants suivant les mutations des formes d'expression avec de nouvelles formes de contenu. J'aimerais bien que vous disiez ce que vous en pensez. Le jeu Forda de l'enfant avec sa bobine, ce n'est pas du tout ce que croit la psychanalyse. Ça n'a rien à voir avec une opposition différentielle entre des éléments signifiants. C'est tout à fait autre chose, c'est la petite ritournelle. C'est la petite ritournelle de territorialité. Le jeu de la bobine, ce n'est pas du tout une machine binaire. Il y a tous les intermédiaires, ce n'est pas du tout une opposition phonologique, c'est une ritournelle. La vraie musique commence à partir du moment où on prend la petite ritournelle et où on déterritorialise, on fait subir à la ritournelle un processus de déterritorialisation. Mozart n'a pas cessé de faire ça. Le concerto à la mémoire d'un ange, c'est ça, un enfant déterritorialisé. Un enfant meurt et les conditions de la production de déterritorialisation de l'enfant. Fin de la première partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.